Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du Web 2.0. Nous sommes le mardi 1er décembre 2009 et c'est l'épisode numéro 3. Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode des Projets du Web, un épisode qui annonce un gros changement dans le fonctionnement du podcast. En effet, j'accueille dès aujourd'hui mon nouveau co-animateur William. Bonjour William, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, très bien, et toi ? Bon, plutôt bien, ouais. Alors, c'est ton premier podcast, ton ressenti, comment tu t'es préparé ? Est-ce que ça va ? Ah, je suis préparé très naturellement, j'ai fait une petite fiche, ouais. Etc. D'accord. On va pas non plus parler trop longtemps de nous. Le plus important, c'est les projets du web. Donc, on va commencer tout de suite sur les projets de ces deux dernières semaines. Donc, comme c'est ta première émission, je te laisse l'honneur de commencer avec le premier projet qui s'appelle AppVIP, je crois. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est tout simplement un site qui va rémunérer pour tester des applications d'iPhone. Donc, globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est que d'habitude, donc on a une application qui coûte par exemple 79 centimes et on est rémunéré 2 euros pour la tester. Et on a le droit évidemment de la garder, l'application, si elle nous plaît. D'accord. Donc on est payé pour tester les applications. C'est quand même rêve. Il n'y a pas un truc caché derrière ce... Bah, pour l'instant, non. Parce que j'ai dû faire à peu près 16-17 applications au total là, de tests. Et donc ça fait de l'argent qu'on accumule. En fait, on peut le transférer directement en carte iTunes. Ouais. Ou alors sur son compte PayPal, par exemple, pour ensuite remettre sur son compte bancaire. Ah ouais, donc ça fonctionne. Ouais, il n'y a pas de truc caché. Ouais, moi, par contre, je me suis renseigné sur ce produit, mais ce qui m'embête, c'est le fait que ça soit pour l'instant exclusivement sur iPhone. Ouais. C'est vrai que c'est un petit point dommage. Le concept est parfait, mais étant BlackBerry user, j'ai personnellement aucune possibilité de le tester. Mais le service est juste fou, quoi. C'est très impressionnant et j'espère que justement ils vont l'adapter à d'autres outils comme BlackBerry, Android aussi sera pas mal. Voilà. Donc bon, voilà. Moi, je pense que pour tous les utilisateurs d'iPhone qui ont un petit peu un intérêt pour les applications, déjà, ça leur permet de pas payer déjà l'application en elle-même, enfin, ou du moins d'être remboursé pour. Et en plus, d'être d'elle-même payée pour la tester, quoi. C'est assez impressionnant. Certaines applications qui sont pas vraiment terribles, mais d'autres, par exemple, une qui s'appelle MixDJ, si je peux faire la pub de celle-là, par exemple, qui est vraiment superbe. En fait, on peut écouter plein de MixDJ, donc de gratuites, et donc en streaming, et il y a vraiment pour énormément de mix, et celle-là est vraiment pas mal, quoi. C'est une sorte de Spotify, mais uniquement sur des mix, et c'est vraiment très très bien, quoi. Mais justement, comme on est dans les projets du web, t'as trouvé des applications un peu nouvelles qui viennent de sortir, qui sont plutôt intéressantes, en dehors de MixDJ justement. Il y en a une qui a un peu retenu mon attention, même si c'est vrai qu'elle est un peu difficile à jouer. C'est une qui utilise la réalité augmentée, tu sais. Ouais. On nous a présenté récemment. Il y avait eu un truc sur les stations de métro, mais c'était la première qui avait sorti ça. Voilà. Et donc là, en fait, on a un petit truc qui est Fireman 360, si je me trompe pas. Firefighter en anglais plutôt. Et donc en fait, avec la réalité augmentée, donc avec le paysage qu'on a autour de nous, donc ça peut être un peu n'importe quoi finalement. Et donc il y a des feux qui se déclarent et on doit les éteindre. Bon. Ok, alors ça a l'air plutôt intéressant aussi. Mais la réalité augmentée, ça fonctionne bien. C'est fluide. Il y a pas de. Alors moi j'ai un 3GS. Donc pour ceux qui ont un 3G, je sais pas exactement comment ça se passe ou si c'est disponible pour eux. Mais pour le 3GS, en tout cas, c'est super fluide. Il y a pas de souci. D'accord. Alors on va pas non plus dévier sur toutes les applications iPhone parce qu'on n'est pas spécialisé iPhone, mais alors le deuxième projet qui s'appelle South Park Studio, moi je suis beaucoup moins au courant étant donné que je suis pas un fan de South Park véritablement, mais le site en tant que tel est juste fou, quoi. Enfin, ça explique nous plutôt. D'accord. Donc en fait c'est tout simplement. Bon, je sais pas si je peux dire officiel parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas c'est là que Matt Stone et Trey Parker, donc les créateurs de la série, tous leurs épisodes en streaming. Voilà. Donc déjà, alors ça, c'est énorme. Bon, évidemment, donc il y a des petites pubs, etc. Par contre, ce qu'il faut juste préciser, c'est qu'au niveau de la France, on a une IP forcément française. Donc les épisodes en anglais qui viennent de sortir, par exemple, hier, le dernier pour hier, par exemple, on n'y a pas accès, quoi. On n'y aura accès que quand ils seront en version française. Voilà. Mais sinon, donc il y a un petit peu de tout. Donc il y a des jeux en flash, bon, des petites bricoles. Il y a une création d'avatar qui est assez poussée. On peut choisir un petit peu. Je sais pas si t'avais fait attention. Il y a, tu sais, les Canadiens ont une tête un petit peu différente. Il y a plein de choses comme ça. Donc on peut vraiment personnaliser son personnage assez, c'est assez poussé. Ça j'ai vu Et donc aussi, voilà. ouais. Ouais, bah, mais ce qui est Il y a fou, énormément de choses. c'est que c'est donc totalement légal Oui, c'est ça qui est important, légal, ouais. et ils mettent à disposition la totalité des épisodes quasiment. Enfin, où moi je sais pas s'il y a tout parce que je connais pas spécialement South Park, mais je crois qu'il y a tout. Enfin, Ouais, c'est ça l'avantage, c'est que c'est pas comme un M6 Replay qui repasse les derniers, c'est vraiment qu'on a voilà. accès à saison, c'est vraiment superbe. Et pour la petite information, il y a aussi une petite FAQ, donc les questions fréquemment posées, mais qui est un petit peu plus fun, c'est-à-dire que c'est des questions, bah c'est nous qui posons des questions par exemple, donc sur un épisode qui est sorti, et c'est donc l'équipe de South Park qui répond. Donc il y a souvent beaucoup d'humour et c'est pas D'accord. mal, je me suis bien marré en lisant ça. Moi, j'ai envie de dire qu'une seule chose, mais à quand ça pour toutes les autres séries? Parce que bon, Oui. c'est bien pour South Park, mais nous, on veut ça pour tout, quoi. Enfin, je sais pas si tu es au courant d'autres initiatives dans le même genre ou. Alors, pour la France, c'est toujours un peu particulier. Peut-être qu'on a une législation qui marche pas très bien, mais aux États-Unis, il y a, tu sais, Hulu ou Hulu, je sais pas comment on prononce, Ouais, j'ai qui permet entendu. de regarder, par exemple, bah, les American Dad, Family Guy, Futurama, pour ceux qui connaissent, qui a plein de petites séries ou des choses comme ça. On peut les regarder en streaming gratuitement. Alors, il y a de la pub pour financer. Mais on peut. En France, il n'y a pas encore. Bon, On n'a pas c'est ce peut-être genre de plan. aussi dû à la législation, mais bon, j'espère que ça arrivera sur d'autres séries. Et puis en tout cas, ben, on vous le conseille. Ça sera aussi dans les notes de l'émission, tous les liens donc qu'on vous dit, Hulu, South Park, tout ça, South Park Studio. Ça sera dans les liens de l'émission. On enchaîne avec le troisième projet, si tu veux bien. Je m'en charge pour cette fois-ci, je crois. D'accord, C'est oui. RSS Image. Donc, c'est un convertisseur de flux RSS en image. C'est un outil très pratique. Il vous permet, entre autres, d'afficher sur, par exemple, vos sites partenaires, sur les forums en tant que signature, un extrait de vos flux RSS sous forme d'image. Donc, tout se fait sur le site, qui est très bien fait et plutôt joli. Le fonctionnement du produit, il est simple. C'est vous rentrez donc votre adresse de flux RSS. Vous avez quelques paramètres pour adapter le style au design de votre image ou enfin le design de votre image à votre site. Et après, bah, ça génère automatiquement une image en fonction de votre flux RSS avec les titres des dernières news postées et tout ça. Et vous avez le lien de votre image que vous pouvez mettre n'importe où sur tout Internet. Donc, je trouve que c'est quand même un truc plutôt sympa qui surtout pour les utilisateurs de forums ou des trucs comme ça, on met ça en signature et ça nous permet d'avoir tout de suite de montrer aux gens qu'on a un blog qui parle de quoi il parle, qu'est-ce qui s'est passé récemment dessus. Enfin voilà, moi je sais pas, t'as un blog ou un truc comme ça, tu serais utilisateur potentiel de ce genre de produit ou. Bah, le truc, c'est que j'utilise pas beaucoup même pas du tout, je vais être honnête, de RSS. Et même pas, j'ai pas de blog non plus, donc c'est vrai que je me sens pas concerné, mais je peux très bien comprendre que ça intéresse énormément d'autres personnes, en effet. Ouais, parce que moi je sais que par exemple sur les forums et les trucs comme ça, en général dans les signatures il y a des gens qui mettent le lien de leur site ou des trucs comme ça. Je pense que ça peut être assez intéressant de montrer qu'il y a du contenu sur notre site et voilà de quoi on parle en ce moment sur mon site quoi. Donc je sais que moi en tout cas je l'utilise et je l'utiliserai, je continuerai à l'utiliser, voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. L'idée, me plaît pas mal, Voilà, donc bon, bah, l'adresse du site c'est www.rss-image.com qui sera aussi dans les notes de l'émission. Et donc voilà, allez jeter un coup d'œil, c'est très simple à utiliser, voilà, c'est plutôt sympa. Le dernier projet qu'on présente dans cet épisode c'est Kiwi Search. Tu veux en parler ou. Je vais te laisser l'honneur. Ok, bon, bah en Merci pour ce gros. sujet. C'est un moteur de recherche. Ça vous permet de faire des recherches sur plusieurs sites à la fois. Et donc, la recherche est effectuée directement via ce site et sur une vingtaine d'autres sites elle va rechercher les résultats et les affiche elle-même sur sa page. Donc, il regroupe 8 catégories différentes de recherche, donc le web, la vidéo, les images, la musique, le savoir, l'actualité, le social et autres. Il suffit de cocher les moteurs sur lesquels on souhaite chercher et le système se charge du reste. Il y a une version mobile, donc qui est accessible par tous les navigateurs mobiles, iPhone, iPod, enfin même iPod Touch, ouais, BlackBerry, tout ça. Pour le moment, l'adresse est provisoire, mais bientôt, ça sera une redirection directe depuis le site. Il y a un système d'autocomplétion, donc le nom est un peu barbare, mais en gros, ça permet, comme dans Google, une saisie plus rapide de vos recherches parce qu'il vous propose des résultats. Et en plus, il marque combien de fois le moteur de recherche a effectué cette recherche. Enfin, c'est plutôt pas mal foutu. Et Kiwi Result, donc qui est ce que je vous ai expliqué en début, en fait, ça vient d'arriver sur ce site. Parce qu'avant, le problème, c'est que c'est... je sais pas si tu l'as testé, mais le premier fonctionnement du truc, c'est vous cochiez les différentes cases, vous mettiez recherche, et là, ça ouvrait plein d'onglets différents avec les résultats sur les différents moteurs de recherche directement. Alors que maintenant, c'est intégré directement dans la page avec le Kiwi Result. Et ça vous permet donc d'avoir une seule, directement sur la page Kiwi Search, vos résultats ordonnés par image, vidéo, tout ça, et c'est plutôt pas mal foutu. Donc, je sais pas, tu l'as testé ou pas ? En fait, j'ai pas mal regardé sur le site, mais j'ai pas vraiment testé. Mais par contre, il y a un petit détail que j'avais pas compris, donc peut-être que tu pourras m'aider. Est-ce que c'est vraiment un moteur de recherche en lui-même, ou est-ce qu'en fait, il fait juste un rassemblement, finalement, de... Parce que j'ai vu, il y a plusieurs sites disponibles. Oui, bah, ouais, non, mais je comprends ta question. Mais en fait, moi aussi, j'ai été un peu dérouté sur le moment, parce que là, quand je l'ai connu, il n'y avait pas encore le Kiwi Result. Donc c'était uniquement, il n'y avait absolument pas de moteur de recherche en tant que tel, c'était juste, il centralisait tous les moteurs de recherche, tu tapais un mot et il faisait la recherche sur plein de différents, il t'amenait les résultats. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un moteur de recherche, ils n'ont pas de base de données ni rien, mais ils vont chercher sur les différentes bases de données des différents moteurs de recherche et ils t'organisent tout ça pour avoir des résultats encore plus pertinents et encore sur plein de moteurs de recherche différents. Donc, lui, il n'a pas le fonctionnement d'un moteur de recherche, mais il travaille avec les moteurs de recherche pour te faire un résultat encore plus pertinent et plus agréable avec des vidéos, de la musique, tout ça. C'est plutôt ça le fonctionnement maintenant qu'ils ont donné à ce produit. D'accord. Donc, c'était le petit détail qui m'avait... Donc voilà. Non, mais enfin, je comprends, et surtout que c'est quand même en bêta, alpha, je sais pas trop quoi. Donc, donc voilà, il faut le tester, c'est juste pour voir... Je pense que ça, il va être amélioré, je l'espère aussi, mais c'est plutôt sympa. Il faut que vous le testiez. Donc l'adresse c'est kiwisearch.fr, je crois, ou .com, mais elle sera dans les notes d'émission aussi. Donc voilà. Donc on va enchaîner, si tu le veux bien, avec la nouvelle rubrique qui vient d'arriver dans l'émission, qui s'appelle "Nous l'avons testé pour vous". Oui. Et cette semaine, on parle de Google Wave. Eh oui. Donc on va parler un petit peu des ressentis du coup qu'on a eu hein, sur cette sur ce nouvel outil. Donc alors déjà, comment on va nous présenter Google Wave par Google? Ça va être leur vision de l'email d'aujourd'hui. Et donc ils ont essayé donc avec tous les réseaux sociaux qu'on a, donc les SMS, les wikis, les chats, tout ça, finalement de redécouvrir oui donc l'email. Ouais. Et donc on va se retrouver donc avec un outil que franchement j'adore, voilà, tout simplement. Donc j'utilise tous les jours, on l'utilise également pour notre podcast. Justement, on a tout préparé le podcast sur ce produit et sur une wave, ou même plusieurs waves, et c'est juste fou, quoi. Ça nous permet d'organiser nos pensées, nos idées. Moi vraiment, j'ai pas mal de retours négatifs sur Google Wave, et alors je ne comprends absolument pas. Je sais pas si tu l'as vu comme moi, mais je les ai vus également sur Twitter, sur ma timeline. J'ai pas trop compris. Il y avait énormément de personnes qui n'ont pas aimé. Il y en a beaucoup. C'était sur l'aspect tout simplement en fait. L'esthétique, l'apparence, l'esthétique, la difficulté peut-être. Mais enfin, moi étant utilisateur de Google Documents, Gmail et tout, on comprend. Quand on connaît la philosophie de Google, on comprend directement le fonctionnement. Et moi, j'ai pas eu vraiment de problème d'adaptation. C'est tout à fait ce que j'avais en tête. J'ai fait la comparaison avec Gmail, je me suis dit, bon, on va essayer de vérifier. Et c'est la même chose, on a la petite navigation en haut à gauche, les contacts en bas à gauche, enfin, c'est vraiment la même chose. Tout à fait. Au lieu d'avoir des mails, on a des waves, c'est tout. Voilà, on a, c'est du Gmail suramélioré, avec effectivement là où les gens se plaignent un peu, quoique moi je ne suis pas spécialement contre, mais c'est que ça se rapproche vachement du chat en fait. Je ne sais pas si tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais ça se rapproche beaucoup d'un chat. Par moment, ça devient du temps réel chat, machin. On, on finit par pourrir notre wave. D'ailleurs, on a eu des petits problèmes pendant les présentations parce qu'on finissait par partir sur des sujets un peu en dehors du thème, mais c'est quand même super agréable, quoi. Enfin, bah ouais, la puissance finale du truc, c'est le temps réel, quoi. Ouais. Parce que le chat est aussi en temps réel, mais on va pas revenir sur une phrase pour la modifier ou éditer quelqu'un. Tandis que là, on peut. Bon, la puissance finalement de Google Wave, c'est l'instantané, quoi. C'est vraiment, on voit lettre par lettre ce qu'on est en train d'écrire. On peut répondre à un message vraiment beaucoup qui date il y a 2 minutes, par exemple. Donc, du coup, chronologiquement, dans la Wave, c'est assez dur de se repérer si on n'est pas organisé, en fait. Ouais. Mais par contre, le temps réel, finalement, ça fait gagner un temps fou parce qu'on ne se rend pas compte, mais on répond avant même que la personne ait fini parce qu'effectivement, on sait un peu ce qu'elle veut te dire. Et donc, en fait, on gagne énormément de temps. La personne n'a même pas besoin de finir sa phrase, qu'on sait déjà, on est déjà en train de lui répondre. Et c'est génial. On n'a même pas besoin de valider finalement le message. Des fois, on pose une question vraiment un petit peu légère. Bon, on pose juste la question, on valide pas et puis on attend que l'autre réécrive aussi sans éditer ni rien. Il ne valide pas et puis. Non, c'est vraiment sympa. Moi, je pense, enfin, je le vois, moi, personnellement, comme l'avenir de l'email, quoi. Enfin, je vois pas ce qui l'empêcherait de réussir, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, je pense qu'il manque quand même encore quelques petites fonctions. Alors, il y en a certaines qui sont prévues, mais qui sont juste pas encore implémentées. Mais c'est vrai que. Alors, concurrence de l'email, je sais pas tout à fait. Bah, mais en tout cas, dans les entreprises, oui. Les emails d'entreprise, disons, où ils échangent des documents, là, je. Ouais, voilà, tout ce qui est professionnel ou même, enfin, semi-professionnel, c'est quand même. Ça avait été lancé avec Google Documents, le partage de documents, l'édition. Enfin, finalement, ils ont fait quoi? Ils ont pris Gmail, ils ont pris Google Documents, ils ont pris le chat dans Gmail. Enfin, ils ont pris un peu tout ce qu'ils avaient et ils ont fait un gros mix. Et moi, pour moi, c'est juste ça, c'est parfait. Enfin. Par contre, il y aurait juste peut-être une chose au niveau du Google Talk, on va dire. On aurait peut-être pu l'intégrer, disons, à part. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui pourrit, disons, une wave. Parce qu'on a tendance à répondre aussitôt et au final, c'est vrai que la wave prend énormément de. C'est possible. Pas forcément pour des messages importants, quoi. Ouais. Mais à la limite, ce qui va sans doute être fait, c'est, tu sais, je sais pas si tu as regardé, mais il y a des widgets qui sont en création et tout. Pourquoi pas créer plutôt des widgets qui ont le fonctionnement d'un chat et comme ça pourrit pas la wave, on met juste un widget chat et puis voilà. Donc parce qu'il y a déjà des petits, par exemple, on peut rajouter des contacts qui sont des bots et par exemple certains, si on poste un message qui est vide, donc on n'a pas fait exprès, on a posté, en fait il va les supprimer. Il va enlever tout ce qui est vide et qui. Ah, celui-là, je le connais pas. Bon, tu me l'enverras parce que. Je te l'enverrai. Voilà. Et puis, il y a bot URL aussi qui permet de réduire les URL automatiquement. Il y a smiley, je sais plus quoi, qui permet d'ajouter les smileys dès qu'on en écrit. Enfin, il y en a pas mal qui existent et c'est aussi agréable de se faire assister par des robots qui te modifient tes messages, quoi. Voilà. Bon, je crois que pour Google Wave, c'est tout. De toute manière, pour alimenter le débat, c'est un peu compliqué, étant donné qu'on est tous les deux fans du produit. Mais bon, je pense qu'il faut que les gens l'essaient, il faut que les gens se fassent leur idée, mais nous, personnellement, je pense qu'on est convaincus. Ah, clairement, oui. Voilà. Bon, non, en parlant de débat, justement, c'était pas vraiment le débat. Le débat qui arrive tout de suite, c'est le célèbre combat Apple-Microsoft. Et donc là, on va un peu l'attaquer d'une autre manière. C'est plutôt les différents projets que Apple et Microsoft sortent quasi simultanément et ils nous font des annonces les uns après les autres pour finalement dire un peu les mêmes produits. Entre autres, on a Natal, le projet Natal qui est pour les jeux vidéo chez Microsoft, qui est un concurrent direct, je le dirais, mais bon, c'est pas spécialement vrai, mais de l'iPod Touch. Qui est censé être orienté jeux vidéo maintenant. On a Surface et Courrier de chez Microsoft, concurrent de l'iTablet. Oui, pareil, c'est plus ou moins vrai, mais on va en débattre. Et les prototypes de souris face à la Magic Mouse. Donc on commence sur Natal face à l'iPod Touch. Toi, tu en penses quoi? Alors, l'iPod Touch, moi je suis vraiment pas convaincu pour leur orientation jeux vidéo. Je trouve que non, c'est pas fait pour. On peut jouer à des petites trucs comme ça, je vois sur mon iPhone, on peut jouer, mais le tout tactile n'est pas superbe pour le jeu vidéo. Ce qui vise quand même, c'est concurrencer un peu la Wii, Natal et tous ces trucs-là, l'aspect ludique, tactile, tous ces trucs-là, un peu où la personne est directement en contact avec ce qu'elle joue, elle bouge avec. Donc dans l'absolu, c'est pas forcément mauvais, mais est-ce que l'iPod Touch est la plateforme la mieux, surtout niveau graphique, graphisme, et je sais pas si c'est effectivement la plateforme la mieux adaptée. Ils auraient peut-être dû créer un produit à part entière, quoi, pour ça, mais je sais pas. J'ai un iPod Touch, mais je m'en sers déjà plus. et les jeux vidéo, pour moi, c'est effectivement... Je comprends pas trop l'intérêt, mais... Mais ceci dit, il y a quand même des beaux jeux qui sont développés. Enfin, moi, je sais que j'ai Worms, par exemple, sur l'iPhone. Donc, bon, iPhone, iPod Touch, c'est à peu près le même hardware. Ouais. Et il faut admettre que quand même, il est plutôt bien réussi. Alors, pour ceux qui connaissent, la Core Ninja, par contre, est vraiment très, très dure à gérer en tactile. Mais enfin, voilà. Je sais pas, mais beau, c'est quand même un bien grand mot quand on se met à côté d'une PSP. Non, mais sérieusement, à côté c'est pas une PS3 évidemment. Hein. Non, mais je parle d'une PSP par exemple, d'une DS, je dirais quand même pas, parce que effectivement la DS est très moche, mais la PSP est quand même nettement au-dessus, quoi, parce que. En même temps, la PSP à la base était vraiment console. Alors maintenant, avec la PSP Go, ils sont quand même en train de se dématérialiser. Maintenant, on peut mettre des MP3, plein de choses. Mais enfin, je vois, j'avais testé la démo d'Assassin's Creed qui est disponible gratuitement sur l'App Store. Mmh. C'est de la 3D et c'est pas du tout moche. Hein. Je sais pas, moi ça me fait peur quand même. Ça s'appelle iPod avant tout, hein. C'est un iPod Touch. Ça fait un peu peur de se dire que maintenant. Déjà, moi j'ai pas compris lors de la keynote, lorsqu'ils ont dit bon, on met une caméra sur un iPod Nano. Oui, la déclinaison de leur iPod, j'ai vraiment pas compris. On reparlera sûrement de cette keynote parce qu'avec l'iTablet qui a été annoncée, enfin qu'on pensait tous être annoncée, qui a été quand même une keynote assez décevante, quoi, dans l'absolu. Mais donc on en revient à notre truc. Le projet Natal, toi, t'en as entendu parler, t'as vu des vidéos, t'as vu quoi? Alors, j'ai vu des petits trucs. Ça a l'air franchement énorme. Ouais. Parce que Sony, avec leur PS3, nous propose des espèces de, finalement, de Nunchak de Wii. Mmh. Qui, je sais pas, moi j'ai pas été convaincu, quoi. C'est au final, c'est une Wiimote, quoi. Ça a pas l'air de grand chose de plus. Ouais. Par contre, le projet Natal, ça a l'air vraiment, vraiment superbe, quoi. Mais, parce que déjà, on n'a pas d'objet, ouais. Quoi. On est avec ses mains. Et justement, c'est pas un peu. La précision, moi, c'est ça qui m'inquiète totalement sur ce projet. C'est, je crois, il y a un mélange d'infrarouge, de caméra, il y a plein de trucs qui captent les mouvements dans tous les sens. Mais finalement, la précision, j'ai du mal. Si c'est comme un Atoy Bis qu'ils avaient fait sur la PS2, où j'avais l'Atoy, machin, c'était juste ignoble au niveau de la précision. Je vois pas, j'ai du mal à voir si. Parce que finalement, on n'a pas de test, on n'a rien. Ça doit être quand même assez. Il y a des prototypes fonctionnels, alors pas pour le public évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des prototypes fonctionnels et apparemment, c'est vraiment bien. Il reconnaît vraiment au niveau de la précision, par exemple, le visage, il reconnaît. Il peut savoir si ta main est ouverte ou fermée. Mm-hmm. Donc, c'est vachement précis, quoi. C'est évident que dans l'absolu, on pourra faire beaucoup plus de mouvements qu'avec avec une manette dans la main où on bouge pour faire différents mouvements. Là, on pourra vraiment faire tous les mouvements possibles et imaginables. Après, est-ce que ça sera précis? Moi, j'en suis moyennement convaincu. Mais bon, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas testé. Par exemple, donc il y avait en fait un avatar donc sur la télévision, donc c'était une personne peu importe qui. Oui, une petite et en fait fille, elle suit des yeux, tu sais. Oui, la personne qui passe devant la télé. Donc là, si tu regardes, c'est comme c'est pas mal quoi, c'est assez précis. Ouais. C'était la vidéo où il y avait une petite fille qui nous amenait près d'un lac ou je sais pas quoi, et en fait en plus comme il y a une caméra, je sais pas si c'est celle-là ou. Non, celle-là, c'est une personne dans une. D'accord, parce que moi j'avais vu une vidéo où en fait c'était une petite fille qui t'amenait près d'un lac et tout. Et en fait, là où c'était en plus assez drôle, c'est qu'elle te faisait regarder, te pencher et regarder dans l'eau. Et en fait, dans le reflet de l'eau, tu voyais ton vrai visage. Parce que les caméras, effectivement, de Natal te prennent en plus en vidéo et peuvent intégrer donc ton image dans le jeu vidéo. Et ça, c'était plutôt sympa de voir que, en fait, il y avait plus que juste de la reconnaissance de mouvement. Il y avait même une véritable caméra qui prend de la vidéo, quoi. Donc c'était sympa. Mais je trouve qu'ils innovent quelque chose qui m'a assez surpris. Je m'attendais vraiment à. Je dis, ça va être encore cher. C'est comme les Wiimote où il faut acheter un Motion Plus après, etc. Et finalement, non, ils ont une politique où ils ont dit qu'ils veulent vraiment le mettre accessible à tout le monde. Et ce sera aux alentours, ils ont dit, des 70-80 euros, quoi. Ouais. Dollars, pardon. Dollars, oui, cinquantaine. Voilà. Dollars, excuse-moi. Ok. Donc, c'est assez accessible finalement, quoi. C'est. Non, mais ouais, bah, et on n'a aucune une date de sortie de toute Si, manière. ce serait fin 2010. Mais bon, moi je pense que faut pas se leurrer, ça sera sûrement après. Hein, ça a l'air quand même vraiment. Ils appellent ça encore projet Natal, c'est pas pour rien quoi. Ah, mais je pense C'est un pas. Je pense qu'ils projet. sont quand même plutôt bien avancés sur ce projet-là. Ouais. Le jeu et puis pareil pour le de toute manière avant même si le projet sort les jeux vidéo vont être effectivement développés avant qu'ils sortent véritablement Oui, il y mais aura 11 il y produits aura de disponibles qui seront compatibles avec R. voilà je sais pas si ça va se vendre directement parce que c'est quand même il y aura pas je moi je 11 produits si c'est du comme du Wii Sport ou des trucs comme ça fait pour tester avant que les jeux soient vraiment évolués et bien stables là-dessus. Je pense qu'il faudra en plus attendre bien au moins, je sais pas, 5 mois, quoi, 5-6 mois. Ce que j'ai peur, c'est que la Xbox, mine de rien, a comme pas mal d'années derrière elle, et quand ça va sortir, j'ai peur que ce soit vers la fin. Enfin, la fin, je sais pas si on peut lui donner une fin, mais Bah, que le ça arrive début un petit peu d'une tard, disons qu'il y aurait de la. éventuellement une nouvelle génération qui Ouais, pourrait voilà. sortir. Bah, justement, moi, je me demande si c'est pas en fait parce qu'ils n'ont pas envie de faire comme à chaque fois une nouvelle génération, sortir. Les autres sortent une PS4, machin. Peut-être que c'est juste qu'ils changent de sens leur Xbox 360 et peut-être que ça va même concurrencer une PS4 finalement le projet Natal. Enfin, ça relance quand même totalement le produit. Enfin, je sais pas. Bah oui, bref, oui, finalement je suis assez d'accord. Mais par contre, vu que Sony fait pareil de leur côté, C'est avec quel. ils ont finalement envie de partir. Parce qu'en plus, surtout qu'ils viennent de sortir une nouvelle version, tu sais, dans leur PS3, Ouais. pour 300 euros même pas, elle est toute petite, etc. Parce que l'autre était quand même assez monstrueuse. Ouais, Hein. ça c'est sûr. Et donc, voilà, je pense qu'ils ont envie de rentabiliser un peu leurs produits, qu'il y ait vraiment une bonne bibliothèque de jeux qui sortent. Et la PS3 avec Uncharted 2, par exemple, elle est assez monstrueuse. Hein. C'est vrai. Donc je pense qu'ils ont envie de, ouais, voilà, de continuer leur console un petit peu. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense que là, pour le coup, ils en ont marre que tous les 2 ans, finalement, on sorte une nouvelle console pour un prix exorbitant. Ils savent que les utilisateurs en ont marre. Et donc, pourquoi ne pas garder sa console et ajouter justement des trucs un peu intéressants dessus? Et je pense que c'est plutôt ça qu'ils veulent faire. Et peut-être aussi une chose aussi, c'est qu'ils ont peut-être été un peu jaloux comme de la Wii, qui juste avec des petits nunchaks qui Ouais. honnêtement, de base, ne sont pas très précis. Avec le Motion Plus, j'ai pu tester. On sent bien une différence, mais c'est quand même assez Bah, ils ont été cheap jaloux de dans voir l'idée et ils que ont été un peu finalement dégoûtés, je pense. Ouais, la Wii a rien niveau C'est la graphique. chose que vraiment la Wii a misé, quoi. Bah, ils ont bien joué quoi niveau Nintendo parce que c'est la console la moins chère du marché, ils ont pas eu beaucoup de boulot à faire finalement et ça se vend, c'est juste un autre marché quoi. Ils se sont pas mis en concurrent de la PS3 et de la Xbox 360 et ils ont réussi leur coup quoi. Enfin, je trouve que Ouais, ils je trouve que c'est s'attaquent plutôt bien joué. voilà. Donc bon moi concurrence Natal iPod Touch Natal grand vainqueur surtout que en plus la comparaison était un peu osée je sais pas Très si bien. voilà bon bref on passe plus à là je pense qu'il y a plus une comparaison possible entre donc les deux produits de Microsoft qui sont super intéressants moi étant un Apple fanboy. Je suis pourtant là étonné de Microsoft parce qu'ils veulent quand même sortir non seulement Surface, enfin Surface qui est même déjà sorti, bon très très cher à l'heure actuelle, mais qui est sorti, et Courrier. On a des images, c'est juste impressionnant. Et donc qui se met en concurrence à l'iTablet qu'on attendait lors de la dernière keynote et qui n'est pas sorti. Surface, je ne sais pas si tu as vu, enfin ça est déjà sorti, même si c'est pas très accessible. Tu l'as vu, enfin tu as vu des tests et tout? Déjà, j'en avais entendu parler il y a pas mal de temps, et puis récemment, quand nos amis de Geek Inc. sont partis Ouais. chez Microsoft, du coup, j'ai pu voir un petit peu les dernières versions finalement Ouais. de Surface, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant quand même. Quand on voit ça, on se dit, oh là, je veux le même à la maison. Bon, si t'as 9 000 € à débourser, pourquoi pas, hein, parce qu'elle est en vente. Oui, mais pas tout de suite. Voilà. Bon, après, faut l'appareil photo qui va avec pour le poser dessus et faire son beau Oui, gosse c'est vrai quand on directement. voit ce genre de vidéo, c'est énorme. Il pose des C'est fou, photos, t'as tout ouais. qui est synchronisé, etc. C'est magnifique. Hein. Non, non, mais ça c'est. Là aussi, je le mets en concurrence de l'iTablette, mais là, c'est encore un truc différent. C'est du home. C'est plus pour la maison, pour les entreprises, même pour les restaurants, les trucs comme ça. Ils ont montré des projets d'applications qu'on met dessus qui sont juste très impressionnantes parce que, genre, pour les. pour les restaurants, je sais pas si tu as vu, en gros, si chacun avait une sorte de table surface devant lui, il pose ses différents trucs qu'il a commandés et puis il paye directement avec. Enfin, il a son addition et tout son truc. Bon, après, il n'y a plus de contact avec le vendeur et le serveur ni rien, mais c'est quand même. Ça pourrait, dans pas mal de cas, être très, très utile et je pense que ça pourrait quand même révolutionner le monde dans lequel on vit, quoi. Enfin, il y a. Dans les maisons, dans les hôtels, dans tout plein de trucs, ça peut être très utile. Ouais, moi je suis assez fan de ça, mais par contre, j'ai mis un petit truc sur Wikipédia, pour ne pas le citer, et finalement, les interfaces tactiles que Microsoft utilise existent depuis quasiment 30 ans. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a attendu pour utiliser du tactile, quoi? Enfin, c'est toujours pareil dans tous les domaines. C'est mais fou, quoi. Le temps qui développe tous ces trucs-là. Mais d'ailleurs, ils le montrent aussi avec courrier, parce qu'ils envoient aussi, ils balancent aussi le tactile avec courrier. Ouais. Et par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus une sorte de stylet. Pas tout à fait un tactile multipoint là, avec ouais, tablette. Mais moi, ce que j'ai vu dans les vidéos, c'était avec des espèces de doigts qui le maniaient, hein, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être pas du multipoint, mais c'était des vidéos tout droit sorties du blog, là, enfin de. Comment il s'appelle C'était sous forme de dessin. Ouais, c'était sous de Gizmodo, ouais. Et c'était des doigts, je crois, qui maniaient le truc. Ouais, on avait un crayon au niveau du pouce index, c'est pour ça que ça m'avait un petit peu perturbé. Oui, c'est ah oui, non, t'as raison, c'est au doigt, oui. Je crois que c'est au doigt. Et donc là pour le coup, c'est gros concurrent de l'iTablet. L'iTablet, on sait toujours pas quand est-ce que ça sort. Tout le monde pensait que ça allait sortir lors de la dernière keynote, et puis on a été super déçu. Je sais pas si toi aussi t'as été déçu de la dernière keynote. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Moi, ouais, je l'ai vu la keynote, je l'avais suivi, mais par contre, non, je n'attends pas spécialement les produits Apple, donc. D'accord. Ça va. Ouais, mais bon, en tout cas, courrier et la tablette, c'est aussi différent parce que courrier est orienté plus. J'ai du mal à voir sur courrier le pas l'intérêt, mais le but final. J'ai l'impression que c'est un peu pour créer ton magazine. Enfin, j'ai du mal à voir. À la limite, tu peux t'aider là-dessus parce que, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir. Saisir un petit peu ce qu'ils voulaient avec courrier. J'avais sûrement entendu dans des podcasts également la même pensée. C'est que finalement, quand t'es en meeting, tu sais, au lieu d'avoir ton petit bloc-notes ou un truc comme ça, et ben voilà, t'as ouais. ton courrier, tu vois, tu l'ouvres et bah t'écris quoi. Bah c'est un bloc-notes, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'en gros, tu créais une sorte de magazine, tu mettais tes photos, tu mettais tes annotations. C'était un peu étrange pour moi. C'était très beau, très fluide, ça marchait très bien, mais alors je comprenais pas. Totalement l'intérêt. Je crois que ça fera aussi genre e-reader, enfin pour lire ses livres et ses trucs ouais, comme ça. C'est ce que j'avais cru comprendre aussi. De toute manière, maintenant ils vont un peu tous le faire. Ils vont sortir, toutes les marques vont sortir une sorte de petit truc de pavé tactile. Par contre, il faudrait qu'ils se fassent un standard pour les e-readers parce que. Ouais, ça aussi, il faudrait qu'on en parle une fois parce que bon, c'est. Mais je pense, connaissant Apple, que déjà ils vont sortir leur truc en même temps que l'iTablet. Ils vont balancer et ça va être comme le MP3, ça va s'imposer lui-même, bon, même si c'était pas spécialement Apple, mais je pense que là pour le coup Apple, s'ils lancent tôt leur iTablet, ils peuvent lancer le standard pour les e-readers. Surtout l'avantage c'est iTunes derrière. Ouais, voilà. C'est monstrueux. Ouais. Parce qu'on peut imaginer que les applications iPhone seront plus ou moins compatibles, que derrière on est donc évidemment tout l'iTunes Store de musique, de livres. Je sais pas s'ils en ont beaucoup parce que je visite pas trop cette partie du store. Moi non plus. Mais on peut imaginer, voilà, donc tous les livres et tout ça, ça peut. Oui, non, mais en fait, ils ont tout derrière, ils ont juste qu'à mettre le produit. Ah bah oui, ça c'est sûr. Non, mais l'iTunes Store est déjà même prêt à s'ouvrir à ça, mais le truc c'est que quand est-ce qu'ils vont sortir parce que sur iPhone faut pas se leurrer quoi, ça marche pas, ça serait un peu stupide, c'est déjà stupide de mettre des livres quoi, moi je comprends pas il y a des gens qui lisent là-dessus, j'ai du mal à comprendre, mais quand c'est des petites news, des magazines, tu sais, ouais, vite fait, non, genre Le Monde comme ça, des ça magazines, va, mais c'est okay, vrai qu'un livre moi personnellement j'ai du mal. Mais je pense que ce serait pareil sur un Kindle. J'aime bien le côté papier pour les livres du moins. Par contre, pour des news, des magazines. Le Kindle est vachement différent par rapport même à courrier et à tablette parce que c'est pas un écran. Enfin, c'est de l'encre ouais, numérique. C'est de l'encre. Ouais. Et moi, j'ai jamais lu là-dessus. Enfin, je sais pas ce que ça donne, mais c'est quand même vachement différent. C'est un écran, ça te pourrit les yeux, ça te. Pareil, c'est vraiment plus doux. Hein, ouais. Apparemment, on peut lire des heures et des heures sans vraiment avoir de problème. sur un Kindle, quoi. Enfin. D'ailleurs, Kindle qui va sortir prochainement là, en France. Ouais, bah ouais, ils l'ont annoncé. Ça même, je pensais pas du tout que ça, ils allaient en parler autant. Genre, c'est passé aux infos, c'est passé un peu partout. Je suis plutôt content parce que ça veut dire que peut-être que les gens vont se mettre à lâcher leurs livres et à se mettre sur le Kindle, je sais pas. Bah, je sais pas. Les personnes dans l'high-tech, disons, oui, enfin dans la tech, Ouais. et qui ont un peu de sous parce que il est pas donné hein, quand même ce petit Ouais, Kindle. c'est sûr. Bah non, mais Faut parce dire qu'il ce n'y a qu'il pas y de a, quand concurrence non plus. Enfin, dès que la concurrence va arriver, les prix vont chuter. même. C'est. Ouais, tu sais, Sony, etc. Je crois que c'est Sony, hein, si je me trompe pas. Ils ont déjà leur petite tablette. Après, voilà, c'est est-ce quel format il lit? Est-ce que c'est du tactile? Ils sont pas tous à encre. Hein. Il y en a très peu finalement. Ouais. Mais parce que c'est C'est cher comme donc voilà. technologie, finalement. Je crois. Là, je parle sans savoir, en fait. C'est un peu stupide, mais je crois que c'est assez cher comme technologie. Comme c'est pas très. C'est pas sorti dans tous les pays, c'est encore peu répandu. Je crois que c'est assez cher encore comme Ah, technologie, je peux l'encre. pas te confirmer ça, mais Mais enfin voilà, je pense que ça baissera forcément. C'est comme tous les produits qui viennent de sortir, ils sont chers, mais ça devrait baisser. j'espère, Bon, voilà, courrier, Surface, iTablette. Surface, c'est sûr que ça va marcher. Moi, j'en suis persuadé, ça va. Mais bon, c'est encore un autre secteur. Dans le secteur professionnel, je pense que ça va marcher. Sur même au domicile, si ça baisse de prix. par contre, Ouais. je te coupe vite fait. Par contre, au niveau de Surface, moi, c'est un petit point que j'aimerais souligner, c'est que c'est quand même que de l'hardware, quoi. Parce que, Bah, ils ont bon, des. au début, c'était Vista SP1, donc qui était géré dedans, et maintenant, normalement, c'est Seven. Mais je veux dire, c'est pas l'OS qui a inventé Ah oui, non, mais c'est que de tout ça, l'hardware, quoi. ça Et c'est il y a évident. des alternatives aussi. Bon, par contre, après, il faut trouver justement bah, l'hardware disponible. Il y a des alternatives, je crois qu'elles sont basées sur Linux, si je me trompe pas. Ah, j'en ai Donc, pas entendu parler, non. Mais voilà. sur. Ouais. Des gens qui cherchent autre chose ou éventuellement moins cher parce que donc chez nous si, avec les taux actuels de conversion on est vers les 8 000 plus de 8 000 euros. Ouais, c'est 10 000 $. Ouais, Je c'est crois assez que cher. c'est 10 000 $ tout rond. Et donc, oui, ça doit faire ça à peu près dans les 8 000 € chez nous. Mais De toute je. façon on est très cher. Mais c'est quand même fermé de toute manière, je crois, aux professionnels pour le moment. J'ai du mal parce que je suis allé voir sur le site de Microsoft et tout. Ils proposent effectivement de le vendre, mais je crois que c'est pour les entreprises, pour les restaurants, les trucs comme ça. Mais j'ai du mal à savoir si un particulier peut se payer son Surface. Il me semble que si. Au niveau des États-Unis, je crois que pour 12 500 $, tu l'as. Il D'accord. me semble. Mais j'ai pas vérifié sur le site parce qu'il nous propose. Enfin, Microsoft, à chaque fois que propose un produit, demande Ouais. d'installer Silverlight et je n'ai pas envie. Donc, je n'ai pas pu visiter leur site. Oui, c'est vrai que Silverlight, bah d'ailleurs, en dehors du site de Microsoft, on le voit quand même nulle part. Hein. Mais bon, c'est un autre débat. Ils Mais sont moi, assez sympas. ça n'a pas trop marché, j'ai l'impression. Bon, bref, c'est Pour un autre débat. l'instant. Donc voilà, Surface, c'est ça, mais c'est un peu hors débat courrier iTablette. Sur le vainqueur entre courrier et iTablette, toi, tu serais par exemple plus apte à acheter lequel des deux? Bah, sachant que la tablette, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Je ne sais Ouais, pas. enfin, Bon, ça va si être un c'est gros quelque iPhone, chose un quoi. petit peu comme un MacBook Pro et un iPhone, je pense pas que ça va m'intéresser. Le courrier, je le trouve vraiment très classe. Après, je ne sais pas si j'aurai l'utilité, mais la présentation était vraiment, vraiment superbe. Ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, mais en plus, ce qui est fou, c'est que c'est même pas Microsoft qu'on a parlé, c'est le blog bah, Gizmodo, je crois, et là, le premier à l'avoir évoqué, et ça a fait un énorme buzz, alors que Microsoft n'en a même pas parlé encore, je crois, officiellement. Alors que l'iTablet, il y a eu des sortes de. Ça a été un peu évoqué par Apple et tout ça. Mais Donc. ils avaient dit Ouais. jamais on ferait la tablette, donc ça veut dire que ça va arriver bientôt. Bah oui. À chaque fois qu'il dit ça. Mais après, comme je le lis partout sur Internet, il y a Steve Jobs qui est encore derrière, malgré tout. Bon, il est presque mort, mais il est encore là. Ça lui est arrivé de faire un projet jusqu'à la veille du lancement et de dire bon bah j'aime pas, on arrête tout. Donc le problème c'est qu'on peut quand même jamais être sûr à 100% qu'ils vont sortir ce truc. C'est vrai. Donc voilà. Bon moi on dit plutôt courrier sur iTablet vainqueur. Je pense que là pour le coup, Courrier, parce ouais. qu'au moins ils nous ont présenté des images, donc on Ouais. peut se dire que le projet est lancé. Et généralement, Microsoft sort les projets, donc Ouais, donc il va falloir que Apple se manie un peu si je à peux dire réagisse, parce ouais. que. La prochaine keynote Ouais. en juin, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, ouais. Parce que là, il y a pas mal de marchés donc qui se font piquer. Mais par contre, bah, ça a une transition toute trouvée. sur les prototypes de souris et les trucs comme ça, là pour le coup, c'est eux qui ont un peu pris le pas sur Microsoft, parce que là pour le coup, donc c'était à peu près il y a un mois ou non, peut-être plus maintenant. Donc on a vu des superbes vidéos de présentation en début de semaine qui nous montraient les prototypes de souris que Microsoft pouvait éventuellement développer, enfin de faire des, ils faisaient des recherches en tout cas. Et c'est Microsoft, c'était des c'est Microsoft. Et à la fin de la semaine, ou je sais plus, oui c'était en fin de semaine, un vendredi je crois, il y a eu la keynote justement. Ou non, mais c'était même pas la keynote, qu'est-ce que raconte, c'était juste une mise à jour de l'App Store. Le store. Apple pendant, je sais plus, je crois, toute une après-midi. Ouais, et là, miracle, un iMac 27 pouces. Je crois que c'est 27. Voilà, 27 pouces. Et alors, une Magic Mouse qui nous permettait de faire, entre autres, des sortes de manipulations pour passer d'une page à l'autre avec deux doigts, des trucs comme ça. Et du coup, là, ils en ont pas parlé et ils sont arrivés sur un truc qu'on attendait de chez Microsoft. Donc, ils ont plutôt réussi leur coup. Après, est-ce que la Magic Mouse, je l'ai pas testée non plus, mais j'ai vu énormément de retours. Et finalement, il y a quand même pas trop de mouvements possibles et de trucs comme ça. C'est même plutôt un peu galère, j'ai l'impression. C'est pour les jeux vidéo, on oublie totalement. Pour les trucs comme ça, tout ce qui est un peu qui demande de la précision, outre le montage vidéo et des trucs comme ça, c'est faut oublier quoi. Ce que j'ai compris, ouais, c'est faut vraiment les jeux vidéo et tout ça, FPS, alors c'est même pas la peine. Ouais. Mais j'ai même été assez déçu. Donc j'avais vu la présentation donc directement d'Apple et moi, elle m'a pas convaincu. Je m'attendais à faire vraiment comme sur mon iPhone, à faire un petit zoom, tu sais, avec les zooms les deux et les trucs comme ça, il y a pas. C'est ça qui m'a. Et il y a pas. Alors que c'est une souris qui nous dit tactile, etc. Et la base du zoom n'y est pas. Mais alors justement, moi j'ai vu, c'était il y a une semaine là du coup, sur Twitter apparaît un truc de Mathieu Blanco qui disait que sur willofmac.net, il y a une nouvelle application qui était téléchargeable, enfin qui proposait ça. Et ça permet en fait aux utilisateurs d'Apple avec une Magic Mouse de rajouter des nouveaux en fait mouvements possibles sur sa Magic Mouse. Donc j'ai pas pu le tester parce que là j'ai pas de Magic Mouse et j'ai pas de Mac compatible. Mais en gros du coup il y aurait des espèces de zoom, des espèces de trucs comme ça qui seraient ajoutables. Enfin je sais pas trop comment ça marche, mais ça configure la Magic Mouse et ça nous permet de faire des mouvements en plus. Donc à la limite, faudra que je retrouve le lien, je le mettrai dans les notes de l'émission, mais ça permettrait de, si on peut rajouter un peu des mouvements pour faire différentes actions, automatiser des trucs, ça pourrait être plutôt sympa. Je crois, enfin si j'ai bien compris le fonctionnement du truc, c'est ça. Et là pour le coup, ça pourrait permettre d'augmenter les capacités de sa Magic Mouse. Mais c'est clair que à côté des prototypes de souris que Microsoft nous a montrés, qui était, bon, certains un petit peu loufoques et très moches. Faut dire ce qu'il y a. Pour faire par exemple de la 3D, il donnait ça comme exemple, avec, tu sais, où tu as juste trois doigts ou qui manipulent. Voilà. C'était un peu bizarre, mais ceci dit. Ouais, mais là, pour le coup, c'est très spécifique, ça marcherait. Enfin, va manipuler ton système. En fait, c'était comme ça qu'ils avaient présenté, c'était vraiment un type d'utilisation, une catégorie, voilà. Et la souris qui correspondait, disons, à cette attente-là, quoi. Et moi, ce que j'attends, c'est, comme tous les utilisateurs, j'ai l'impression, c'est une souris qui nous permet de faire plein de mouvements qui s'adaptent à notre OS. Et du coup, on en oublierait même qu'on a changé nos manières de faire et que maintenant, c'est juste mieux qu'avant, quoi. Moi, c'est ça que je veux et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il nous propose, la Microsoft. Il propose plein de prototypes super intéressants, très spécialisés, mais alors pas pour un utilisateur lambda qui veut juste zoomer sur ses photos, faire défiler ses pages et ces trucs comme ça, tu vois. Pour ce que tu viens de dire, pour par exemple adapter à l'OS, de toute manière Microsoft donc va faire pour lui, donc Apple va faire pour lui aussi également. Ouais. Mais dans Microsoft, il y en a certaines qui pourraient correspondre à tes attentes, sauf pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est un peu spécial, on va dire. Mais sinon, il y en a certaines, donc c'était vrai. Comment dire ? Il y avait une sorte de caméra ou de l'infrarouge en dessous, c'était l'infrarouge. Et du coup, en fait, on faisait ce qu'on voulait avec les doigts, mais directement, par exemple, sur la table. Sur la table. Ça calculait, en fait, je crois, la distance entre ses doigts et les capteurs infrarouges. Et en les bougeant, ça nous permettait donc... Enfin, lui calculait tout et ça nous permettait de faire énormément de mouvements, effectivement. Donc là, ça donne une liberté, je pense, assez, Voilà. Assez Bah, grande. oui, mais là, va contrôler ton OS. Non, c'est pour la Ta3D, quoi. Enfin. Il n'y en a encore aucune qui est vraiment. Ouais, c'était des prototypes, hein, comme il disait bien. Mais justement, bah, en tout cas, là, pour le coup, le vainqueur du duel, c'est quand même Apple qui nous a. Même si le produit était effectivement peut-être pas non plus fini, mais apparemment ils adaptent, ils ont gagné le truc, quoi, parce qu'ils s'y sont mis, ils en parlaient pas, et du jour au lendemain, ils sont apparus sur le truc, alors qu'on Moi, ce que j'ai attendait. retrouvé vraiment énorme, c'est que Microsoft nous ferait une présentation et 4 jours plus tard, C'est Apple qui sort Apple le vous produit, hein. sort directement. Il fait pas de présentation, lui, il sort. Donc Voilà. là, on est vraiment surpris, quoi. Non, Là, par ils ont contre, on eu. pourrait regretter que Apple ne permette pas plus de personnalisation, qu'on soit obligé de. Enfin, que ce soit des fans, disons, qui sortent des choses pour, par exemple, zoomer, quoi. Parce que Ouais. zoomer, c'est quand même la. Enfin, je sais pas, la première chose sur un tactile qu'on veut faire, Ouais, mais quoi. ce qui est pas évident, c'est que quand tu prends, je sais pas si t'as essayé de comprendre, mais quand tu prends ta souris, t'as une position particulière. Pour zoomer, tu zoomes pas avec les deux doigts en fait qui sont en général sur les touches de ta souris. Faut que tu changes totalement ton. Comme sur un pavé tactile, tu utilises plus le pouce et puis. Enfin, je sais pas si tu vois, mais ça serait plus compliqué de l'adapter en fait. Faudrait que la souris soit une grosse bulle tactile sur laquelle on. Enfin, Oh non, j'ai une idée superbe, tu veux que je t'explique? vas-y. Donc là, tu tiens ta souris normalement, et là, Ouais. tu prends ton pouce majeur, hop, hop, tu zoomes, et tu reprends ta souris. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois. Mais du coup, Ça, c'est vachement rapide, t'es obligé de enfin, te je trouve ça déplacer quand optimiste. même. Et je crois que c'était Oui, peut-être. c'est vrai, un petit peu, Donc voilà, bon bref, là on parle de termes oui. techniques qui sont. Je pense qu'ils ont un peu réfléchi sur tout avant nous, mais en tout cas voilà, là pour le coup, je pense qu'ils ont gagné, même s'ils n'ont pas sorti un produit qui était magnifique, enfin très abouti, ils ont gagné parce que ils nous ont vraiment pris de court et on a pas compris et c'était juste très impressionnant qu'ils arrivent comme ça sur un marché qu'on ne les attendait pas. C'est vrai. Bon, bah voilà, je pense que là, si on peut conclure, enfin moi, en tout cas, je conclue comme ça, c'est Microsoft qui est en train de changer, quoi. J'ai l'impression qui est en train de se mettre sur le tactile, sur les trucs comme ça, les trucs sur lesquels Apple pensait être les meilleurs, et j'ai l'impression que là, ils veulent les attaquer en plein dedans, et ça fait du bien, quoi. Ça renouvelle un peu Microsoft et ça le rajeunit parce que là, ils avaient un peu l'air de s'enfermer avec leur Windows. Ouais. Et enfin, moi, ça me fait presque peur étant fanboy Apple. Ils sont quand même là, ils arrivent avec des produits qui font très mal. Et pourquoi pas, peut-être que je serais intéressé pour acheter des produits Microsoft à la place des produits Apple dans pas mal de Hérésie. temps. Non, mais bah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi pour le coup, là, Microsoft m'a plutôt bluffé sur pas mal de secteurs en fait. C'est vrai, je trouve que Microsoft Lab, là, en ce moment, sont assez actifs. Et c'est vrai que quand on voyait les produits juste avant de Microsoft, donc on avait un version 6, bon, tout ça, c'était pas terrible. On n'avait pas beaucoup d'hardware. Un Ouais. Zune, mais qui n'était pas sorti en Europe, par exemple. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a quand même beaucoup d'annonces, hein. Pour l'instant, il n'y a Oui, globalement c'est que rien de de sorti. l'annonce, mais en général, Microsoft, quand ils annoncent un truc, ils le font, quoi. Apple, Oui, c'est peut-être moins le cas parce que, enfin, d'ailleurs, c'est que des rumeurs chez Apple, c'est pas vraiment Apple, ça, des. oui, il n'y a jamais rien avant la keynote, c'est que des rumeurs, Ouais. c'est très spécial comme Mais philosophie. Microsoft, si on en entend parler, c'est qu'il y a du truc, quoi. Enfin, y a du mouvement chez eux, en tout cas, même si c'est pas exactement ce dont on parle, il y a du Je suis assez mouvement et d'accord. ils veulent se renouveler et ça fait du bien. Et moi, je vous le dis, presque tenté pour. Peut-être plus m'orienter vers certains produits à Microsoft par rapport à Apple. Donc voilà, c'est dit, ça me, ça, il m'épate quoi, vraiment. Je comprends parfaitement ton point de vue, c'est vrai que Microsoft, moi aussi, m'épate pas mal en ce moment. Il faut juste qu'ils concrétisent tout ça, mais voilà, si ça se passe bien, voilà, Microsoft, grand gagnant du débat de ce soir en tout cas. Oui. Voilà, bon, on va clore le podcast parce que là, on est déjà à 50 minutes quand même. Tout de même. Malgré tout, alors que les émissions précédentes étaient plutôt à 3 minutes, 4 minutes. Oui. Donc, bon, juste comment nous retrouver, comment nous contacter. Alors, sur le blog du podcast, donc c'est lesprojetsduweb.net, mais l'adresse va pas tarder à changer pour une adresse avec un .fr, je crois. Sur l'iTunes Store, donc, les projets du web, vous tapez ça et puis vous voyez directement les projets du web. Sur la web radio Pod Radio qui diffuse nos émissions de temps en temps, même presque tous les jours et même matin et soir. Et puis sur Twitter, alors moi c'est Matt Tournesac, MATTOURNESAC, et toi c'est quoi? Enfin, bah, je te laisse le dire, je le connais, mais. Alors, donc c'est Camphis, alors ça va pas être évident. Donc Camphis, KHAMPHIS. Ok. Bon, tu voilà. L'histoire de ton pseudo, si les gens la veulent. Il te la demande en privé, moi je la connais maintenant, oui. Donc donc voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, on va vous laisser. Merci William. Dans 15 jours pour l'épisode numéro 4. Dans 15 jours, oui. Salut à tous. Salut.